Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Las Vegas, ville de jeu, capitale du vice et paradis artificiel. Supposez qu'une machine marche ou fonctionne sans interruption pendant une heure. Et que pendant une heure, cette machine reçoive 100 dollars. Sur les 100 dollars qu'elle a reçus, elle en rendra toujours, fatalement, au moins 90 ou 89. Il restera à la maison au moins 10, entre 10 et 12 %. Fatalement, le joueur doit laisser une partie de son argent. La règle est implacable et elle s'applique de la même manière à tout le monde, sans exception. Le casino ne rend jamais aux joueurs qu'ils fréquentent tout ce qu'ils y ont dépensé. En d'autres mots, c'est toujours le casino qui gagne. La règle est claire, elle est mathématique, elle est connue de tous, mais pourtant, ils sont toujours aussi nombreux à espérer que leur tour soit venu et que pour une fois, ce soit eux, les joueurs, qui fassent sauter la banque. C'est sur cet espoir totalement illusoire que Las Vegas va faire sa fortune. Regardez-les, les joueurs de Las Vegas, sérieux, muets, tendus. Ils ressemblent à tous les joueurs du monde. Ce qu'ils viennent savourer ici, c'est le plaisir de jouer, bien plus que la joie de gagner. L'exaltation est froide, le cri est muet. Dans cette foule bariolée, ils sont seuls au monde. Il n'y a que des yeux qui bougent, que des dollars qui roulent, que des mains qui raflent. Vous jouez? Oui, énormément. Vous jouez beaucoup? Oui, tout le temps, c'est tout ce que je fais ici. Quand j'ai quelques instants de libre, je joue, oui. Et vous gagnez? Pas très souvent, non. Alors pourquoi continuez-vous à jouer? Parce que j'ai l'espoir de gagner. Mais surtout parce que pour passer mon temps. Dites-moi, est-ce que vous jouez? Très peu. Très peu, parce que je trouve que l'argent est tellement dur à gagner que c'est trop bête de remettre, de redonner à la direction. Ça. Et qu'est-ce que vous pensez des joueurs que vous voyez tous les jours en sortant de scène? À mon avis, c'est... ils ont deux raisons de jouer. L'une, c'est l'espoir de gagner. Et l'autre, c'est une sorte de vidage de complexe. Quel complexe? Pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de mettre leur argent sur la table en sachant qu'ils vont le perdre. Parce que tout le monde sait qu'on doit perdre. On doit perdre, autrement on ne serait pas là. Extrait d'un reportage de la radio-télévision suisse qui s'était rendu dans la capitale du jeu en 62. C'est d'ailleurs du même reportage qui est tiré le premier extrait que vous avez entendu au tout début de l'émission. Pour retracer l'histoire de Las Vegas, mon invité est Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. C'est vrai, Laurent, que c'est d'abord et avant tout au jeu, au casino qu'on pense quand on pense à Las Vegas. Ça commence quand? Quand est-ce que Las Vegas devient une ville de jeu? Las Vegas va devenir une ville de jeu au début du 20e siècle, bien que, dans un premier temps, dans les années 1909, on va l'interdire. Et c'est seulement dans les années 1930 que là, on va dire non, le jeu est légalisé. Mais plus encore quand, à la fin des années 30, on va interdire le jeu non loin de l'État du Nevada, donc où se trouve Las Vegas, en Californie. Ouais. Donc, les Californiens vont arriver massivement à Las Vegas parce que on n'est pas très loin, mais plus encore, ça, c'est le plaisir du jeu, le plaisir du spectacle du jeu aussi qui se révèle. Ce qui est assez paradoxal quand même quand on sait que la ville a été fondée en 1855 par des Mormons. Ouais. Donc, on a une espèce d'antithèse du jeu qui est fondée, mais seulement dans les années 1920 environ. Ouais. Donc, les années 30, on y reviendra, il y a comme un redémarrage. En fait, c'est là que ça commence le jeu, ça va se développer encore plus, puis l'histoire du jeu à Las Vegas sera assez vite associée à l'argent du crime organisé. Puis les belles années, ce sont les années 40-50, desquelles on parlera dans un instant. Mais parlons d'abord aussi d'une autre particularité de cette ville, le lieu dans lequel elle se trouve. À quoi ressemble cette ville au milieu du désert? On écoute l'auteur Georges Hébert-Germain en parler au micro de Marie-France Bazeau à l'émission Indicatif présent en 1996. La première fois qu'on voit ça, on n'en revient pas. C'est gigantesque. Ça fait, on ne peut pas circuler à pied, ça prend seulement une auto. Un coin de rue, c'est près d'un demi-kilomètre, sinon un kilomètre de long. Oui, oui. Oui, oui. Et ça, c'est il y a un rien, casino. C'est le désert. En fait, Las Vegas, c'est un oasis, c'était un oasis parce que des eaux artésiennes, c'est pour cette raison que ça a été. Alors, c'est encore un immense désert. Oui. Et bon, vous disiez, on peut pas marcher. Moi, j'ai essayé quand même un peu innocemment en nous d'aller marcher. En nous. En nous. Et j'ai commencé à marcher un peu parce que tout près du strip, il y a l'université de Las Vegas. Il y a et l'université à Las Vegas? Il y a deux universités à Las Vegas. Il y a l'université du Nevada Croupier et il y a l'université 101 de et puis je voulais voir, Manchot 204. Eh bien, je me suis senti, vous avez sûrement déjà vu l'été sur des trottoirs, des vers de terre qui sont cuits. Oui. Parce que la chaleur les a saisis. Et, mais j'ai eu presque peur parce qu'il faisait tellement chaud. Et là, il fallait que je rentre quelque part dans un casino, mais c'est des immenses stationnements et c'est des rues qui sont très, très larges. Oui. Et entre les bâtiments, entre les constructions, souvent, il n'y a rien. Ce sont des stationnements ou c'est des espèces de no man's land. Alors, je me suis retrouvé presque cuit dans un no man's land dont je devais sortir, mais c'était pas quelques pas, là, c'était un quart de mille oui. sur l'asphalte noir, oui. d'où mon sang de chaleur oui. C'est vrai que c'est un lieu complètement hallucinant. Las Vegas, Laurent Turcot, se trouve au milieu du désert. On est vraiment en milieu hostile. Quand et surtout pourquoi décide-t-on de créer une ville dans un lieu comme celui-là? Bien, ça fait partie de la grande conquête de l'Ouest. Le fameux Far West que l'on connaît, qu'on a lu dans Lucky Luke, qu'on a lu dans les grands westerns américains, c'est justement les grands explorateurs qui arrivent. Et un de ceux-là, c'est Rafael Riviera, qui débarque dans les années 1829 environ. Et il voit ce Las Vegas, c'est-à-dire les vallées fertiles. C'est assez singulier quand même quand on sait à quel point le territoire est inhospitalier. Pour ceux qui sont allés à Las Vegas, j'avoue bien humblement n'y être pas allé, mais pour vous regarder les photos de ce que l'on voit, on se dit comment ça se fait qu'on a fait une ville en plein désert. Donc, la conquête de l'Ouest dans un premier temps, ça va devenir aussi un nœud de chemin, du chemin de fer. Quand on va lancer le chemin de fer pour relier la Californie, ben, on va s'arrêter à certains endroits. Là, rappelez-vous l'image justement de Lucky Luke, quand on avance peu à peu et on construit un village. Bon, c'est pas aussi disneyficationné comme on pourrait dire, mais il y a quelque chose là de l'idée de construire des villages à la, ouais. à la mesure de l'avancée du chemin de fer. Mais c'est véritablement en 1855, comme on l'a dit tout à l'heure, les Mormons qui vont en faire une ville. Les Mormons qui sont plus vers le nord, donc vers l'Utah, et qui vont vouloir essaimer un peu partout, donc qui vont s'établir à Las Vegas. Sauf qu'il va se passer quelque chose d'être c'est crucial dans l'histoire de l'Amérique. En fait, deux éléments. Dans un premier temps, la prohibition qui va de 1920 ouais. environ à 1930. 33 pour être plus exact, et dans un second temps, la Grande Dépression, le crash boursier qui va lancer des familles dans la rue et on va avoir un président américain qui est Franklin Delano Roosevelt qui va dire il faut faire des travaux pour donner du travail à ces gens-là. Et un des grands chantiers que l'on va lancer, c'est le barrage Hoover, non loin de Las Vegas, ouais. ce qui fait que vous allez avoir une population massive qui va venir construire... Des milliers d'hommes. Ah oui, des milliers d'hommes entre 1931 et 1936, et là qui arrive massivement, et même l'armée américaine qui va s'établir à Las Vegas pour faire une base, justement, militaire pour entraîner ouais. les troupes. Donc, on a là quand même une masse critique de gens. Et on se dit, ben là, il faudrait les divertir. Exactement. Et c'est des hommes qui sont seuls. Ils viennent travailler à la construction de cet immense barrage où ils sont militaires sur cette base. Donc, ça crée une clientèle. Beaucoup d'hommes, des milliers d'hommes qui n'ont rien à faire et qu'il faut divertir, justement. Il faut divertir. Donc, en 1931, quand on commence le barrage, quand la base militaire est ouverte, tout d'un coup, clac, le jeu redevient autorisé. Donc là, c'est les hôtels qui, tranquillement, avec le temps, s'établissent des petits salons de jeu. Mais les grands hôtels comme tels, celles que l'on connaît, ceux qu'on connaît, pardon, c'est, le premier, c'est 1941, l'hôtel Rancho, qui est tout petit, ça ressemble un petit peu à rien, mais c'est véritablement après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. La Seconde Guerre mondiale, il faut quand même insister sur aussi le paysage économique et démographique de l'Amérique. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, une expansion démographique, une expansion économique où là, on fait de l'argent, mais les grands mafieux qui ont œuvré au début des années 20, des années 30, ne sont pas disparus. Du moins, Al Capone a été en prison, Lucky Luciano est mort, mais il y en a un qui reste, Bugsy Siegel. Ouais. Et Siegel se dit que ça serait peut-être une bonne idée de s'y établir. Et on commençait à construire un hôtel. Parce qu'il y a déjà du jeu dans cette ville. On sent qu'il y a une occasion à saisir. Ah oui, c'est parfait pour blanchir de l'argent. Il est quand même organisé déjà là. Déjà depuis les années 30, mais à petite échelle. Il y a quelques hôtels, mais ce n'est pas encore le boom. Le boom, il va venir avec Bugsy Siegel. Oui, c'est un lieu de passage. Les mafieux y étaient quand même présents, mais pas de manière aussi massive que quand Bugsy va établir, plutôt va acheter l'hôtel Flamingo, qui est un immense palace où il fait venir tout son entourage, il se montre, et là, on se dit, ben là, il y a peut-être quelque chose à voir. Ce qui fait que, peu à peu, Las Vegas va prendre le nom de Sin City, ouais. le lieu du péché, la ville des péchés. Donc, on rassemble prostitution, jeux, mafia, détournement de fonds, en tout genre, bref, tous les mafieux curieux se disent, ben pour nous, c'est la ville où on nous accueille. Mmh. Le pauvre Boxy, donc il a ce projet ambitieux, c'est le premier grand hôtel qui verra le jour à Las Vegas, mais lui aura un destin un peu moins heureux. Ben oui, il va être tué. Ouais. Ça finit toujours très mal. Hein? Ouais. La plupart des hommes dont on a parlé tout à l'heure, Capone, Luciano et Siegel, vont soit être en prison, soit assassinés pour les deux derniers. Et c'est ce qui va arriver à Siegel. Il va être assassiné. Est-ce que dans les années 40, des années 50, ça va tomber pour autant? Absolument pas, parce que d'autres mafieux, d'autres caïds vont reprendre le fil et monter en épingle Las Vegas. Sauf que la ville se dit, ben écoutez, nous, ce qu'on voit, c'est que l'image qui est envoyée de Las Vegas, c'est pas nécessairement l'image qu'on veut envoyer. Donc, à partir des années 50, des années 60, ce n'est plus ce qu'on attend, ouais, justement, cette image du caïd et du mafieux. Donc, on va purger peu à peu les hôtels. Ouais. Mais il y a, ce qu'il faut d'abord comprendre, vraiment une explosion. Las Vegas devient Las Vegas avec cet argent du crime organisé dans les années 50. Il y a déjà une construction de beaucoup d'hôtels importants, des maisons de jeu qui sont importantes. Et puis, il y a, parce qu'on veut que Las Vegas ne soit pas qu'une ville de jeu, il y a un côté star system, glamour, déjà, puis ça va suivre l'histoire de la ville là, jusqu'à aujourd'hui, mais ça devient une ville de spectacle. Les plus grandes stars, je pense à Frank Sinatra, mais il y en aura plein, Elvis Presley, les plus grandes stars viennent à Las Vegas. Ah oui, tout à fait, puis on en fait une attraction et on se dit, on ne peut pas retenir les gens simplement avec le jeu. Il faut les divertir. Il faut que ce soit une longue file de divertissement qui ne vous fait pas prendre conscience du temps qui passe. Donc, on va faire venir les grands crooners de l'époque. Vous avez dit Frank Sinatra, mais on leur rassemble aussi avec ce qu'on appelle le Rat Pack, ouais. Sammy Davis Jr. ou encore Dean Martin. Mais le problème avec Sammy Davis Jr., c'est qu'il était noir. Donc, dans certains cas, il pouvait se donner en spectacle dans certains des hôtels, mais il n'avait pas le droit de consommer de l'alcool et de s'asseoir à une table. Ouais. Donc, on va ouvrir en 1955 un hôtel spécifiquement pour la clientèle afro-américaine, qui est le Moulin Rouge. Malheureusement, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'on est en pleine période de ségrégation aux États-Unis et Las Vegas ne peut pas laisser de côté cet élément crucial des États-Unis. Et dans les années 50, petite parenthèse, on reviendra sur Frank Sinatra dans un instant parce qu'il y a une trop belle anecdote à raconter à nos auditeurs, mais il y a l'armée américaine, c'est la guerre froide, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Dans les années 50, ça nous montre ce qu'est cette ville, le génie des affaires de ces bonzes de Las Vegas. L'armée américaine procède à des essais nucléaires au Nevada. Ben oui. Et Las Vegas récupère ça. Le 21 janvier 1951, c'est la première bombe qui tombe sur le Nevada Test Site. Et là, les grands hôteliers se disent, ben nous, on va en faire une attraction touristique. Donc, on invite tous les gens sur les toits des hôtels et entre 1951 et 1963, il y a une centaine d'essais nucléaires. Donc, au loin des hôtels, vous pouviez voir le fameux champignon et le nuage. Et là, on disait, ben venez, on va vous faire un cocktail atomique. On va même élire une Miss Bombe atomique. On va faire du vin. Il y a même Walt Disney qui va faire un petit dessin animé qui s'appelle Notre ami la tombe. Et à l'époque, on dit non, mais vous en faites pas. Hein, une bombe nucléaire, c'est pas dangereux. Voilà. C'est pas plus dangereux que se promener lors d'un incendie. Donc venez. Alors que ça aurait pu faire fuir les gens, on les attire avec ça. Eh oui, mais là, on s'entend que dans les années 90, on va voir peu à peu qu'il y a eu. On parle beaucoup de Tchernobyl, mais les États-Unis ont eu aussi des cas de problèmes, notamment des handicaps, des cancers qui se sont développés dans la région du Nevada. Mais avec le nuage nucléaire que ça a amené. Ouais. Donc, ça a été une catastrophe, ça, du point de vue environnemental et du point de vue de la santé publique. On revient à notre ami Frank Sinatra, Laurent Turcot. Son destin va être passablement bouleversé par l'arrivée du milliardaire Howard Hughes à Las Vegas. Écoutez, c'est savoureux. Le journaliste Serge Cabana nous racontait une anecdote à ce sujet-là à l'émission L'Aventure en 1995. I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Quand il arrive à Las Vegas, pour obtenir la licence de diriger le casino du Desert Inn, qu'il vient juste d'acheter, il faut qu'il dépose auprès du Bureau de contrôle des jeux de hasard une déclaration. Déclaration sur ses activités commerciales, personnelles, il refuse. Le gouverneur de la ville, Las Vegas, le reçoit très bien et va faire plein d'accrocs à la procédure pour M. Hughes. Pourquoi? Parce que Hughes n'a pas d'attache avec la mafia. Alors, il est heureux parce que Hughes veut dire « quelqu'un de neuf », et on se débarrasse, on va se donner une image plus respectable. Il va décider également d'acheter le rival du Desert Inn, le Sands. Pourquoi qu'il achète le Sands? C'est parce qu'en dehors de sa volonté de puissance, il y avait une autre raison. Il haïssait Frank Sinatra. Et Frank Sinatra venait couramment chanter très fréquemment dans cet hôtel. Devant des salles bondées, était très, très populaire. Pourquoi qu'il haïssait Frank Sinatra? Il n'avait pas oublié que Sinatra avait couché avec Ava Gardner. Il l'avait même épousée. Et Ava Gardner était une des rares femmes qui avait refusé et qui avait résisté à Howard Hughes. Donc, Hughes rompit le contrat de Sinatra après avoir acheté le Sands. Alors, quand il décidait de prendre quelqu'un en grippe, c'était sérieux. Yet I get a kick out of you. C'est savoureux. Au-delà de l'anecdote, par ailleurs, Laurent Turcot, concernant Frank Sinatra et le désamour que lui voue Howard Hughes, un mot quand même sur Howard Hughes, qui va être important dans l'histoire du développement de la ville. Il va être très important, comme plusieurs des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que quand la mafia quitte peu à peu devant la purge que veut faire la municipalité de Las Vegas contre les mafieux et les caïds, ben là, il y a un vide qui est créé, une espèce de vacuum. Et ce qui va se passer, c'est qu'Howard Hughes va dire, ben moi, je veux les acheter, les hôtels. Et il y a une autre chaîne hôtelière très importante, la chaîne Hilton, qui va s'établir et va construire des hôtels de plus en plus magnifiques. Et on est peu à peu dans le règne du gigantesque. Ouais. En 1966, va ouvrir un hôtel mythique qui, encore aujourd'hui, marque Las Vegas, c'est le Caesar Palace. Et à l'époque, en 1966, 680 chambres, c'est énorme. Ouais. On est déjà dans l'idée que Las Vegas doit être plus grand que grand. Et ça va, ces hôtels dont vont se multiplier, ces nouveaux hôtels de plus en plus grands. Vous parliez de désignification tout à l'heure. Il y en aura une désignification à Las Vegas. Quelle forme ça va prendre? Le divertissement, essentiellement. Oui, ça va prendre l'idée du divertissement, mais plus encore des hôtels à thème. Comme par exemple Treasure Island, qui va ouvrir au début des années 90. Il va avoir un spectacle qui, tous les jours, est représenté devant les gens. Et les gens n'ont même pas besoin de payer pour ça. C'est un spectacle en tant que tel. C'est-à-dire, c'est que les représentations des grands crooners qu'on avait des années 60, bien là, c'est fini. On se dit, on les fait encore à l'intérieur, mais on va même porter le spectacle à l'extérieur. Donc, des hôtels à thème, le fameux MGM qui va ouvrir dans les années 90. Et là, quand je vous dis le nombre de chambres, ça va exploser. On est rendu à 5000 chambres pour le MGM, le Bellagio en 1998. Mais celui qui va marquer durablement les esprits, c'est en 1999, le Paris Las Vegas, qui est au coût de 790 millions. Et là, on se dit, bon, ben là, c'est pas beaucoup. Hein, là, il y a seulement 2916 chambres et 295 suites. Ouais. Sauf qu'on reproduit la Tour Eiffel à la hauteur de 164 mètres, les façades de l'Opéra, de l'Hôtel de Ville, de l'Arc de Triomphe. Bref, on fait un espèce de décor en papier mâché, sauf que ce n'est plus du papier mâché. On se dit, vous n'avez plus besoin d'aller à Paris, venez à Las Vegas. Ouais. On va reconstruire un Venise comme tel. On va construire un hôtel qui s'appelle Excalibur, où on peut refaire les aventures de la Table Ronde. Donc, quand on parle de Disney, c'est Disney puissance 1000. Mais attention, là, ce qu'on voit, on n'est plus dans la Sin City. On est dans l'idée d'un Las Vegas familial, où pendant que les parents jouent, ben les enfants peuvent regarder des artistes à gauche et à droite, et là, c'est pour tout le monde. Las Vegas familial est soi-disant de bon goût, puis on ne rentrera pas dans ce débat-là, mais ça fait partie de l'opération Las Vegas qui peut être par certains considérés comme la quintessence du mauvais goût. Mais dans ce nouveau Las Vegas, il y aura aussi de grandes tables, des tableaux, de l'art. Il y a cette prétention-là. Et ce Las Vegas-là, le Las Vegas des années 90-2000, c'est aussi, donc explosion d'hôtels importants jusqu'à 7000 chambres, explosion du divertissement, du sport, des événements, des grands spectacles qui sont ponctuels dans le temps, mais aussi, donc, ces grands spectacles permanents. Je dirais que c'est une immense consécration parce que là, ça veut dire que non seulement elle chante, jusqu'à maintenant elle est allée chanter dans le monde entier, mais là, c'est le monde entier qui va venir la voir chanter. Donc, ça la situe à un niveau complètement au-dessus de toutes les chanteuses pop. C'est ça, elle passe dans une autre catégorie, là. Elle passe dans la catégorie star, la catégorie presque diva. Luc Plamondon, qu'on entendait, qui commentait donc ce succès, ce nouveau statut pour Céline Dion. Céline Dion, dans les années 2000, donc, Laurent Turcot, qui devient la reine, la nouvelle reine de Las Vegas, parce que ça fait partie de l'histoire de la ville. Il y en a eu avant elle d'autres reines, d'autres rois. Ben oui, il y en a eu d'autres. Debbie Reynolds, par exemple, qui va même acheter un hôtel pour se produire en spectacle pour être plus près de ses fans. Ceux qui connaissent pas Debbie Reynolds, c'est la mère de Carrie Fisher, donc celle qui jouait dans Singing in the Rain. Mais avec Céline Dion, la grande nouveauté, c'est que depuis 2002, elle va se produire 4 à 5 soirs par semaine. Et là, on se dit que c'est la consécration du Québec. Ouais. D'autant plus que le Cirque du Soleil, voilà, qui va s'installer lui aussi durablement et qui marque d'une présence québécoise, ce qui fait que vous allez avoir des vols Montréal-Las Vegas de manière très régulière. Effectivement, il y a comme un lien, parce qu'on a investi avec le Cirque du Soleil, avec Céline Dion, cette ville-là, il y a un lien qui va se faire entre le Québec et Las Vegas. Cette ville-là, aujourd'hui, comment la décrire? C'est ce qu'elle est devenue, Laurent Turcot, en quelques mots? Elle est devenue un grand centre commercial, un grand centre d'attraction, des parcs à thème. On a pris tout ce qui se faisait dans la culture de masse américaine, c'est-à-dire les centres commerciaux, les parcs Disney, les événements sportifs, les événements aussi de rassemblement des grands hommes d'affaires, et on a tout mixé ça ensemble et on s'est dit, voilà ce qu'on vous offre. Parce que le jeu n'est plus le facteur premier de Las Vegas. Il y a une ville qui a même supplanté Las Vegas en termes de volume de jeux, c'est Macao, qui a 25 casinos aujourd'hui et qui a un chiffre d'affaires de 6,9 milliards de dollars. Donc Las Vegas, c'est vraiment plus le mythe que ça reste, plus que ce que c'est aujourd'hui. Mais la grande nouveauté, c'est de faire de Las Vegas une ville sportive. Et là, on a vu, ils ont une équipe de hockey, les Golden Knights. À chaque année, la Ligue nationale de hockey tient les grands événements où on récompense les meilleurs sportifs de hockey. Et il y a même le World Poker Tour. Parce que, ne l'oublions pas, on a fait d'un jeu de table un sport qui est représenté dans les plus grandes chaînes sportives. Vous avez même des commentateurs qui commentent le poker comme si c'était un sport digne du baseball, du football ou du hockey. On a quand même cette vision d'un Las Vegas qui transcende tout. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, habitué de l'émission. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Charles-Antoine Lemay. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing almost haunts down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time.